L'été est là et avec la belle saison arrivent parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau dans la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de nettoyage, faites appel à ProNet, groupe urgence sinistre, communément appelé GUS, de vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence, ouverts 24 heures sur 24. Nettoyeurs aussi d'échangeurs d'air et de conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, composez le 88-679-4178. Monsieur Régent Côté et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à l'organisation des championnats canadiens de vélo de montagne qui a lieu en fin de semaine au Toboski de Saint-Félicien. Avant de parler de l'association de soccer de Dolbeau-Mistassini avec notre ami Dominique Fortin-Dufour. Salut Dominique! Dominique, salut. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine à Dolbeau-Mistassini avec nos équipes? Ça a été une semaine relativement tranquille, seulement quatre matchs ont eu lieu. Ah oui, quatre matchs? C'était assez tranquille, là. Tu sais, souvent, il y a du monde en vacances vers fin juillet, là, mi-juillet, ils commencent à mettre moins de matchs un petit peu. Il y a le senior féminin qui ont joué à Chipcha dimanche dernier. Okay. Malheureusement, ils ont perdu 8-2. Par contre, ils étaient 7 contre 11. Oh, OK, 7 contre 11, ouais. Okay. Il y avait le nombre minimum, là. Il était juste pour jouer. S'il y en avait une qui se blessait, ben, c'était terminé. Un match, il n'y avait plus. Okay. Dans ce temps-là, est-ce que vous avez pensé déclarer forfait, non? Non. OK, vous jouez pour le fun, puis c'est tout. Non. Quand on a vu que c'est parce que c'était 2-1 après la première demi. OK. Fait que, tu sais, les filles jouaient relativement bien. Ouais. Tout ça se passait bien jusqu'à ce moment-là, mais au moment où la fatigue commence à embarquer, là, quand ça commence à faire 2,45, t'es rendu à la 30e minute de la deuxième demi, là, ça commence à être plus difficile pour les filles. Effectivement. Là. Ensuite? Ensuite, côté 14 féminin, jeudi dernier, on a le... Justement, Dolbeau jouait contre Oberval. Okay. Ils ont annulé 1-1. Okay. 14 féminins encore là, encore cette année, c'est comme l'année dernière, ils sont... sont limites dans le nombre de joueurs, là, sont 14 au lieu de 12, là, comparativement à l'année dernière. Okay. Fait que, tu sais, souvent, ils n'ont pas beaucoup de nex. Des fois, faut jouer, là, avec les positions. Des fois, j'ai avec des filles qui sont pas habituées de jouer à leur position, là, c'est ça qui est un peu plus tannant. Ouais. Ensuite, on a eu 14 masculins qui jouaient hier à Jonquière contre le Mistral. Ouais. Ils ont gagné 3-0. OK. Malgré la température, là, souvent sur synthétique, là, peut-être comme il mouillait hier, là, ça glisse un petit peu plus. C'est un peu plus tannant avec le vent aussi qui tapait. Les jeunes ont relativement bien joué. Ça a permis à l'équipe de gagner 3-0. OK. Mais ça, justement, quand c'est du synthétique de même, les joueurs sont moins bien habitués aussi, hein? Oui, surtout parce qu'on joue tout le temps, nous, sur du naturel, là, du gazon normal. Ouais. Tandis que sur le synthétique, là, souvent, là, les jeunes, ils font le saut parce que le ballon rebondit plus. Et souvent, là, c'est des petites choses comme ça, là, qui font la différence, là. OK. Ensuite, on a le U16 féminin qui ont joué à Roberval lundi dernier. OK, oui. Ils ont gagné 4-2. Ça a été un bon match. Les filles ont très bien joué, là. Ça commence à bien se placer pour eux. OK. Là. Puis en fin de semaine, on n'oublie pas que c'est le tournoi à Chicoutimi. On a plusieurs équipes qui sont représentées. Et on va en parler d'ailleurs avec Maxime Pépin, qui est le responsable du tournoi de tennis. Pas du tournoi de tennis, mais du tournoi de soccer. Hey, dis-moi, en passant, c'est le tournoi de la traversée en fin de semaine. Puis vous n'avez pas d'équipe, je pense, hein? Non, nous, cette année, on n'a pas d'équipe au tournoi de la traversée, justement, parce que ça tombait en même temps que le tournoi à Chicoutimi. Okay. Puis on a plusieurs joueurs ou plusieurs parents là, que les enfants jouent dans le 8 et 10. Okay. Et aussi, dans le U16, ça fait comme ça. Fait que des fois, c'est pour accommoder, on a décidé de faire le tournoi à Chicoutimi. Et pour les U8, U10 et U12, okay. On va probablement faire le tournoi à Alma. OK. Hey, mais dis-moi, c'est un gros tournoi, ça, Chicoutimi. Il y a 1000 joueurs qui vont être là, hein? Oui. On joue sur plusieurs plateaux. Là, on peut jouer autant sur le terrain synthétique de l'UQAC que sur les terrains à Kenogami. On joue jusqu'à Jonquière, là. Ils prennent vraiment tous les terrains là, de Chicoutimi-Jonquière là, pour ce tournoi-là, pour être capable de tout rentrer dans la fin de semaine là, avec tous les matchs qu'on va avoir. Donc, on va surveiller ça de près, puis on se reparle on se reparle mercredi ou jeudi prochain. Voilà, Donc c'était Dominique Fortin-Dufour, le responsable des communications de l'Association de soccer de Dolbeau-Mistassini.